ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont le PTAC, poids total autorisé en charge, dépasse le poids indiqué.